incroyable, renversant, superbe. C'est le retour de Cirque Aquatique Magique en compagnie de François G. Couillard. Ce soir, spécial évidemment pour la grève étudiante. Ce soir, en ce moment même, se déroule l'une des plus grandes manifestations de l'histoire du mouvement étudiant au Québec, voire au Canada. Je pense que c'est, oui, c'est la plus grande manifestation là, de l'histoire du Canada, ce soir. Alors, on va passer, on va faire un petit bloc grève, et on commence avec ça. Et ça suivra avec des pièces extraordinaires en faveur de l'économie de marché, de l'élection de Hollande, et on va avoir un bloc étrange. Étrange comme étranger. On commence tout de suite avec Ariane Moffat et sa reprise de sa pièce 17 mai 2012. Oh là là, montez le son! Car vous êtes à l'intérieur d'un cirque. Aquatique et magique. Twitter ne dérougit pas, il est 6 heures. Le Québec se réveille sous le règne de la peur. À Cannes, c'est le festival de dollars nécessaires. À l'église, on prie pro vie chez les conservateurs. Rouge et vert sont coincés dans la même fourrière. La planète dit adieu à sa grande donne à sommaire. Y a un frisson qui passe entre mes pieds et mon cœur. Je n'invente rien, c'est la presse qui parle. Ce 17 mai au matin, je m'oppose à cette loi spéciale. Survit à sa grande première. Le registre des armes à feu est réduit en poussière. Facebook, troisième pays en puissance sur la terre. La gaga censurée doit annuler des concerts. Pauvres Zampino sortis du lit à coups de marteau. Alors que Lynn Beauchamp doit enchaîner les mojitos. Partout dans les rues, des étudiants en colère. Almanach quotidien fumigène dans l'atmosphère. Mais je n'invente rien, c'est Jean Charest qui parle. Ce 17 mai au matin, je m'oppose à cette loi spéciale. Que les propos de Jean Charest passent très mal auprès des étudiants qui manifestent encore ce soir. Monsieur Charest, j'ai honte aujourd'hui d'être québécois à cause de vous. Faites-vous confiance ou pas aux élus du peuple québécois? La réponse a été non. La situation actuelle a duré trop longtemps. Discours me fait vibrer, je suivrai les yeux fermés. Allons ensemble manifester. Je me battrai à tes côtés. Cause you're GND, t'es mon héros. GND, Dolan te trouve beau. GND, t'es mon idole. GND, tu fais rater de l'école. Je n'ai pas le pouvoir d'appeler au calme, je ne le ferai pas, ce n'est pas mon rôle. Les policiers nous martyrisent à cause qu'on a pété des pare-brises. Lynn Beauchamp devrait t'écouter, c'est toi qui as les meilleures idées. J'manifesterai pas cette semaine, j'vais en République Dominicaine. J'vais aller rêver de gratuité, après tout, tu n'as pas trop à payer. Gabriel Nadeau-Dubois fait un travail formidable. GND. Gabriel Nadeau-Dubois, que je trouve très très éloquent. GND. Gabriel Nadeau-Dubois, qui m'impressionne beaucoup. GND. Aussi, que je trouve très sexy. GND, c'est mon héros. GND, Dolan, t'as trop beau. Voilà. GND, t'es mon idole. GND, tu m'as raté de l'école. And don't look away. Montreal streets paved with pepper spray. Charrette just wanted to say everybody's got a price to pay. 78 78 78 78. People get connected, people get made. They gotta be paid. You know when there's corruption at the top, who at the bottom will stay. 78 78 78 78. Take a listen to what we say. Systems and government in decay. You gotta move your feet if you want things to change. 78 78 78 78. La justice un service commun. Coûte une fortune. 78, c'était la pièce de Paul Canello qui faisait sa pièce sur... évidemment, vous avez compris que c'était, il était question de la loi 78. On a aussi entendu Bud Class, c'est un jeu de mots, interprété par la pièce s'appelle GND. Hein? Et on a entendu Ariane Moffat faire 17 mai 2012, trois pièces dédiées à la grève étudiante. Et là, ça fait plus de 15 semaines, quelque chose comme ça, que la grève bat son plein. Et il y a vraiment beaucoup de pièces musicales qui se font sur ce sujet-là. Ce qui est vraiment la grève, c'est l'occasion d'une explosion créative. Et qu'est-ce qu'on a entendu? C'est ça, Paul Cagnello, artiste intègre, un gars de Montréal, chante en anglais et en français. Il a participé, il y a une pièce sur un album, une compilation du Québec, du collectif pour un Québec sans pauvreté. Album qui se trouve... Si vous appelez au collectif, il leur en reste des dizaines et des centaines de caisses. La compilation s'est écoulée à 23 exemplaires. Ça reste quand même une bonne compilation. Tandis que, on a entendu tous les clichés sur Gabriel Nadeau-Dubois, alias GND, qui ont été écrapoutis dans la pièce qu'on a entendue, qui était interprétée par la chorale de la Radio Poubelle. Dans la pièce, on entend tous les clichés et un de leurs arguments clés, c'est de dire que Dolan le trouve beau. Un petit peu d'homophobie, pourquoi pas. Et on a entendu aussi Ariane Moffat, qui est de la... C'est quoi? C'est de la pop bonbon. Et parmi ses influences, elle cite Tori Amos, Ben Harper, mais aussi Bashung et Philippe Catherine. Oh! Tiens. Et même qu'elle reprend une de ses pièces qui s'appelle « Être humain ». Elle a fait ça en 2009, alors intéressant. Et dans sa pièce, vous avez remarqué que vous avez sûrement reconnu l'air, là, mais c'est les paroles qui étaient importantes, qui ont changé, qui ont été adaptées pour la grève étudiante. Et elle fait mention de Lady Gaga, Zampino et Deline Beauchamp. Et oui, vous êtes à l'intérieur du Cercle Aquatique Magique, en compagnie de François Gécouillard à CKRL 89.1. Peut-être même à Radio Grenouille, qui sait. Et on va écouter un bloc. Vous savez, en tant que Québécois, on doit tous et toutes serrer la ceinture. On doit faire des sacrifices. On doit se prosterner devant le libre marché. Alors, on va écouter une pièce qui s'appelle America, Land of Free Enterprise. Ma banque est mon amie, elle s'occupe de moi. Ma banque est ma maman et je lui dois ma vie. Ma banque est mon ferment, ma terre est mon sang. Ma banque est le cordon qui guide et me nourrit. Gloire à ma banque, gloire à ma banque, gloire à toi. Land that was built through free enterprise. Land of our own. Land that has grown. In the American way. In our country's years of progress toward a strong united land. Since the year of 1830, we have lent a helping hand. We have grown with farm and city. We have worked with industry. And the goal of all our efforts has been highest quality. For needs that are basic through all of the years, for vital essentials we've been pioneers. We're proud of the places where our name appears, where people use Fairbanks Moores. For such vital needs as water and electric power too, there is Fairbanks Moores equipment that is bringing them to you. When the ancient railway engine that was called the Iron Horse was replaced

C'est pas l'impôt sur les salaires, c'est l'impôt sur les feignants. C'était Marty qui chantait ça avec sa voix extraordinaire des sorties tout droit des années 30. Était-il question ici des gens sur l'aide sociale? De qui étaient les noceurs que Marty parlait dans sa chanson? On parle bien sûr des capitalistes, des riches, des bourgeois. Alors, Duham ne serait pas d'accord avec cette version-là. Oh que non. Et l'impôt sur les feignants, qui se trouve sur l'album L'Anthologie du socialisme. Du socialisme, c'est une compilation de musique de social. Dans ce bloc, on a aussi entendu America, Land of Free Enterprise. Le libre marché glorifié dans cette chanson extraordinairement par Jerry Coyle and the Nelsonics. Et c'était parrainé par la compagnie Fairbanks Morse and Company, qui était une compagnie qui fabriquait des pesées et qui existe encore aujourd'hui, qui fabrique aussi des pompes, des machines, des moulins, des locomotives et de la fourniture industrielle. Oh là là! Et la première pièce de toutes, c'était Didier Odieux qui interprétait Gloire à ma banque, tout simplement. Et là, je ne me priverai pas de lire le copier-coller de sa bio qui est disponible sur son site internet. Chanteur et compositeur belge à l'univers grinçant et sarcastique, croisement de Jacques Brel et Johnny Rotten. Il appartient à une catégorie d'interprètes à l'univers singulier, en marge des conventions, développant au fil des albums un style unique et révolutionnaire, à l'image de ses orchestrations décalées, inclassables ou de textes mariant tendresse, surréalisme et ultra-violence. Une écriture de trottoir qui peut être comparée au travail d'un Jacques Tati au cinéma. Pour compléter le tableau, Odieux est un véritable bête de scène, un performeur instinctif dont les prestations scéniques s'oublient difficilement. Odieux, personnage complexe, préfère le charme des petites salles, des radios libres et des petits labels à la pression du métier de star. Oh là là, je ne sais pas s'il y aurait du succès commercialement à Odieux de toute façon. Et on continue avec, maintenant on va le célébrer, tiens, l'élection de François Hollande à la présidence française. On va écouter une pièce qui s'intitule tout simplement « Changer la vie », interprétée par l'orchestre du Parti socialiste. Unisson. Et là là là là là là, vous écoutez ça à CKRL 89.1. C'est parti. Se perdre pour longtemps. Ne croyons plus au lendemain qui chante. Changeons la vie ici et maintenant. C'est aujourd'hui que l'avenir s'invente. Changeons la vie ici et maintenant. Prendre la parole, dessiner nous-mêmes, guider nos vies de chair de l'argent. Écrire notre histoire. Puisque tu existes, tout devient possible ici et maintenant. Ne versons plus au nom de leur puissance notre sueur, nos larmes, notre sang. Les travailleurs travaillent pour la France, pas au profit de quelques possédants. Pour partager les fruits de l'abondance, changeons la vie ici et maintenant. Prendre la parole, décider nous-mêmes, libérer nos vies de chair de l'argent. Faire du bonheur notre monnaie courante, maîtriser la science et dominer le temps. France socialiste, puisque tu existes, tout devient possible ici et maintenant. Il nous faudra prendre en main nos villes qui ne sont où meurent les vieux, les arbres, les enfants. C'est dans nos propres murs qu'on nous exile. Changeons la vie ici et maintenant. Prendre la parole, décider nous-mêmes, libérer nos vies des fleurs de sirop. Pour ne plus mourir de l'air qu'on respire, pour pouvoir vieillir auprès de nos enfants. France socialiste, puisque tu existes, tout devient possible ici et maintenant. Un siècle meurt, un millénaire commence, plus de prisons, de cages et de camps. Tendons la rose rouge de l'espérance aux opprimés de tous les continents. L'histoire est là qui nous offre une chance, changeons la vie ici et maintenant. Libérez la femme, libérez les pauvres, donnez la parole aux frères et libres. Écrire notre histoire à la première personne, être enfin des hommes et non des instruments. France socialiste, puisque tu existes, tout devient impossible ici et maintenant. Écrire notre histoire à la première personne, être enfin des hommes et non des instruments. France socialiste, puisque tu existes, tout devient impossible ici et maintenant. Bien mon frère, venu ici, tu n'étais rien. Tu n'avais rien et tu ne ressemblais à rien. Si ce n'est une tête posée sur un squelette. À peine tu parlais français, tu étais maigre, chétif, aussi chétif qu'un spaghetti. Et encore, le spaghetti donne de l'appétit. Et toi, tu donnais l'envie de mourir, vraiment. T'es ici à quel titre? Étudiant, travailleur immigré ou demandeur d'asile de beauté. Qu'importe, toujours est-il dit qu'ici, t'es à la recherche de ce que t'as pas dans ton pays. La sécurité, l'emploi, l'aide médicale, l'aide sociale, j'en passe de tout ce qui est vital. Tu n'aimes pas la France, sors de la France. Si tu n'aimes pas la France, oui, sors de la France. La France te nourrit, te donne le RMI, te soigne à crédit, et bien souvent gratuit. Si tu n'aimes pas la France, sors de la France. Si tu n'aimes pas la France, oui, sors de la France. Et la France, ce pays d'accueil et des droits de l'homme, te redonne vie à ton ombre. Une fois sorti de ton coma des morts vivants, tu n'hésites pas à critiquer la France. La France, c'est quoi, dis-tu? Ne sois pas égoïste, sois reconnaissant et dis merci. La France te nourrit, te donne le RMI, te soigne à crédit, voire gratuit. Écoute-moi bien, mon frère. Si tu n'aimes pas la France, je te le redis à nouveau, sors de la France. Ne jette pas la pierre où t'as caché la calebasse. Autrement dit, ne trache pas dans la soupe. Ne sois pas égoïste, sois reconnaissant et dis merci. Vas-y mon frère, vraiment. Si tu n'aimes pas la France, sors de la France. Si tu n'aimes pas la France, oui sors de la France. La France te nourrit, te donne le RMI, te soigne à crédit et bien souvent gratuit. La France sait ce que tu sais qu'elle ne sait pas, elle le sait. Tu travailles au noir, la France le sait. Mais t'as pas de papier, la France le sait. Tu envoies de l'argent au bled, la France le sait, mon frère, pardon. Et bien souvent gratuit. À

pour finalement reprocher au député d'avoir obtenu ces mêmes choses qu'il demandait pour lui-même. Jacques de Broncas, c'était qui? C'est un Français, accompagnateur de Bobby Lapointe et Maurice Fanon, notamment. Donc, c'est quand même pas rien. Enfance difficile, pauvreté, insécurité, la guerre. Il a suivi les pas de son papa, qui était poète. Aussi, on a entendu Patrice Nouma, qui faisait « Si tu n'aimes pas la France ». Alors, il s'agissait d'une chanson du Front National. Front National, là, qui font vraiment beaucoup de chansons, beaucoup de musique. Parti d'extrême droite français. Donc, c'est un noir qui porte un discours raciste et qui s'adresse aux noirs en plus. Alors, si tu n'es pas content, quitte la France. Et il parle du RMI. Il dit tu reçois le RMI, la France te nourrit, te donne le RMI. RMI qui est évidemment l'aide sociale et qui est l'équivalent de l'aide sociale. La France te soigne à crédit et bien souvent gratuit. Oui, Patrice Nouma, qui a 3 amis sur Facebook, alors aidez-le, hein? Allez le rejoindre sur Facebook et soyez son ami. Et pour ce qui est de Unisson, le groupe spectaculaire du Parti Socialiste qui interprétait « Changer la vie », qui durait vraiment trop longtemps comme pièce, eh bien, aucune information sur ce groupe-là, mais c'était spectaculaire! Et maintenant qu'on a insulté les gens immigrantes, on va écouter un bloc consacré aux étranges. Oh, on se dirige en Afrique avec Band Can Can. Oh, oh, oh. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le cirque aquatique magique dans vos oreilles. Thank you. Et voilà, c'est déjà tout pour le Cirque Gothique Magique. On vient d'entendre un bloc consacré à la musique étrangère. Xavier Cogat nous faisait Tico Tico, une version instrumentale de cette pièce extraordinaire. On en a souvent parlé ici dans cette émission, le Cirque Gothique Magique de M. Cogat. Un orchestrateur spectaculaire, formidable, Tony Truant, qui était un Espagnol, si je ne m'abuse, mais qui tripait sur Cuba. Et on a entendu le trio Visca, qui interprétait la pièce Chinta Cacicu, qui est une pièce extrêmement langoureuse et touchante. Et on a entendu aussi le 22 Band Cancan, tiré d'une pièce de leur album qui s'intitule Dans le vent. Alors, c'est un orchestre de la Guinée. Ils ne chantent pas en français, bien que leur album est écrit en français. Ce qui est écrit sur l'album, c'est écrit en français. Et ils ont commencé, au début, ils s'appelaient le groupe de novembre, du 22 novembre, dans les années 70. Et ça fait référence à une attaque menée par des soldats portugais en 1970, le 22 novembre. Et encore aujourd'hui, l'événement, on se rappelle de cet événement-là en Guinée comme étant tout simplement l'agression. Alors voilà, la pièce s'appelait Kourousi. Et on va se quitter sur une dernière pièce, une pièce antiraciste qui est tirée dans l'album de deux groupes. C'est ce qu'on appelle un split. Alors, c'est les groupes Hors Contrôle et Bullshit Detector. Et la pièce s'intitule tout simplement RAF pour Résistance Antifasciste. Et si vous voulez réécouter cette émission ainsi que toutes les autres, jeunefou.blogspot.com. À la semaine prochaine. Antifasciste, RAF.